les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Je sais bien que le commerce des livres n'est pas si considérable pour le royaume que le drap et autres étoffes, mais il est constant qu'il n'est pas moins important à la République des Lettres que le commerce du livre, non défendu par les constitutions du royaume, soit libre et qu'il soit plus florissant que les autres négoces. Archives nationales, archives royales, archives départementales, archives municipales, dans toute l'Europe, on peut trouver trace de la présence française, trace de l'histoire de la France. Archives écrites, bien sûr, archives imprimées, et la Hollande était bien la capitale de l'imprimerie. Pour de multiples raisons, la censure étant forte en France, par exemple. Mais attention, si l'on est imprimeur, on peut commettre des fautes d'impression et recevoir des plaintes d'auteurs. La France, dans les archives de l'Europe, l'époque où la Hollande imprimait la littérature française, par Pierre Descargues, première diffusion sur France Culture, le 13 août 1982. De gemeentelijke archiefdienst van Amsterdam. De gemeentelijke archiefdienst van Amsterdam. Gemeentelijke archiefdienst van Amsterdam. De gemeentelijke archiefdienst van Amsterdam. De gemeentelijke archiefdienst van Amsterdam. Diviser les habitants de l'Europe en lecteurs et en auteurs, comme ils ont été divisés pendant 7 ou 8 siècles en petits tyrans barbares qui portaient un oiseau sur le poing et en esclaves qui manquaient de tout. Il y a environ 250 ans que les hommes se sont souvenus petit à petit qu'ils avaient une âme. Chacun veut lire ou pour fortifier cette âme ou pour l'orner, ou pour se vanter d'avoir lu. Lorsque les Hollandais s'aperçurent de ce nouveau besoin de l'espèce humaine, ils devinrent les facteurs de nos pensées, comme ils l'étaient de nos vins et de nos sels. Et tel libraire d'Amsterdam, qui ne savait pas lire, gagna 1 million parce qu'il y avait quelques Français qui se mêlaient d'écrire. Les mensonges imprimés de M. Arouet de Voltaire de l'Académie française. Nouvelle édition avec des remarques et des notes. Les archives municipales d'Amsterdam, Pierre Descargues, Marie-André Arminot, prise de son due aux bons offices d'une équipe de la radio néerlandaise, lecture Michel Vitold. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, la littérature française s'imprime, s'édite aux Pays-Bas, pour des raisons économiques et aussi pour des raisons politiques. Nous sommes allés à Amsterdam chercher les témoignages de cette vie culturelle et bien sûr nous les avons trouvés en français, avec pour guide un Hollandais géant, Sébastien Doudog van Heel, conseiller scientifique aux archives municipales. Pour lui, les Pays-Bas n'ont pas attendu l'arrivée des émigrés pour devenir imprimeurs. Les imprimeurs sont déjà connus à Amsterdam depuis 1500 exact. Mais à l'époque, les imprimeurs n'étaient pas si importants. Hein, certains sont certainement nommés parce qu'ils ont publié des bouquins protestants. Mais après le changement du gouvernement en 1578, on a un changement complètement à Amsterdam. D'abord, on a une immigration énorme, surtout des gens qui sont venus ici à Amsterdam, mais surtout en Hollande, dans le nord, des Flandres, mais aussi de l'Allemagne. Mais la plupart est venue du sud. Amsterdam, à l'époque, a eu une grand nombre des gens d'Anvers parce que Amsterdam était une ville déjà des commerçants. Les gens qui travaillaient dans le domaine de laine sont allés à Leiden et qui travaillaient dans le lin sont allés à Haarlem. Pour les imprimeurs, c'est connu que Louvain a eu des imprimeurs parce qu'on a eu une université là-bas depuis, je pense, de 1430 environ. Et Leiden a obtenu son université en 1595. Les imprimeurs les plus connus sont allés à Leiden, mais aussi à Amsterdam, parce qu'Amsterdam est très vite devenu un lieu central pour imprimer les livres. À M. Jean Neholm, libraire de La Haye et de Berlin, à Colmar, 28 décembre 1753. J'ai lu avec attention et avec douleur le livre intitulé « Abrégé de l'histoire universelle », dont vous dites avoir acheté le manuscrit à Bruxelles. Un libraire de Paris, à qui vous l'avez envoyé, en a fait sur le champ une édition aussi fautive que la vôtre. Vous auriez bien dû au moins me consulter avant de donner au public un ouvrage si défectueux. En vérité, c'est la honte de la littérature. Comment votre éditeur a-t-il pu prendre le 8e siècle pour le 4e, le 13e pour le 12e, le pape Boniface VIII pour Boniface VII? Presque chaque page est pleine de fautes absurdes. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tous les manuscrits qui sont à Paris, ceux qui sont actuellement entre les mains du roi de Prusse, de Monseigneur l'électeur palatin, de Madame la Duchesse de Gotha, sont très différents du vôtre. Une transposition, un mot oublié, suffisent pour former un sens absurde ou odieux. Il y a malheureusement beaucoup de ces fautes dans votre ouvrage. Il semble que vous ayez voulu me rendre ridicule et me perdre en imprimant cette informe rhapsodie et en y mettant mon nom. Votre éditeur a trouvé le secret d'avilir un ouvrage qui aurait pu devenir très utile. Vous avez gagné de l'argent, je vous en félicite. Mais je vis dans un pays où l'honneur des lettres et les bienséances me font un devoir d'avertir que je n'ai nulle part à la publication de ce livre rempli d'erreurs et d'indécence, que je le condamne et que je vous sais très mauvais gré de votre édition. Voltaire. On a un grand bouleversement en Europe. Hein. Les paysans étaient dans des conditions assez mauvaises à l'époque. On a eu une grande inflation. Par exemple, où sont venus les gens, leurs origines? À Anvers, les riches commerçants ont eu déjà des collections de peintures, des livres, etc. Et ils ont enrichi la culture en Hollande. Mais on a eu déjà une certaine base. Note de ce qui s'est trouvé dans l'imprimerie de feu M. Chaillet, Amsterdam, dont on a estimé, selon la conscience, sans embrasser aucun parti. Premièrement, les presses. La presse qui est, en entrant dans l'imprimerie, à laquelle nous donnerons le numéro 1, dont il y a beaucoup de réparations à faire, elle est estimée à 70 livres. La deuxième, qui est le numéro 2, qui est en plus mauvais état que l'autre, même le marbre étant cassé en deux, 60 livres. Pour les châssis ou rames, il y en a 15, tant bonnes que mauvaises, à raison de 15 sols la pièce, qui fait en tout 11 livres 5 sols. Pour le marbre à corriger, qui est sans aucune garniture, 1 livre 10 sols. Deuxièmement, pour les lettres. Petit canon romain dont on juge y avoir environ 20 livres, à raison de 5 sols la livre, qui fait 5 livres. Texte romain et italique, ensemble 100 livres, à raison de 25 livres. Augustin romain et italique, pesant à 7 sols la livre, 35 livres. Pour des vignettes de bois ou fin de page, tant de bois que de plomb, à raison de 4 livres pour le tout. Composteur, tant de fer que de bois, à raison de 1 livre. Pour les galets, qui ne valent rien que pour brûler à une seule la pièce, qui fait 12 sols. Casse, il y en a 28 paires qui ne sont pas des meilleures et quelques-unes même qui ne valent rien, qu'on mettra néanmoins l'une portant l'autre à 10 sols la paire, soit 14 livres, etc., etc. Ici finit ce qui concerne l'imprimerie qui fait en tout 390 livres 8 sols. Le 23 juillet 1704, signé Poncelet, registre du notaire Jan Wolbach. Peintre le plus fameux à cette époque-là était Jacob Cornelis van Oostzanen. On a récemment trouvé un livre de musique qui était écrit à Malines pour un marchand d'Amsterdam qui date d'environ 1530. On a eu un contact entre Amsterdam et Anvers déjà à l'époque, pas seulement sur le sujet commercial, mais aussi culturel. Probablement, Anvers n'était pas si important que Louvain, Malines, Mons, etc. C'est un complexe. Quand la République a été proclamée, elle est devenue la République de la liberté pour beaucoup de chercheurs du monde entier. Et on sait qu'à l'université de Leiden, par exemple, sont arrivés des chercheurs qui venaient d'Angleterre, d'Allemagne, de France, et qui sont généralement venus avec leur propre bibliothèque, et ça a été la base de la bibliothèque de Leiden. Un peu trop chargé, hein. Ouais, quand même, il y avait... Ah, mais oui? Le premier que je connais, c'est le marchand Oko, qui a eu son éducation à Augsbourg et qui est venu à Amsterdam en 1510. C'était un facteur des fameuses maisons Fugger à Augsbourg. La grande banque Fugger. C'est la plus grande banque d'Europe à l'époque, hein, la banque des papes, etc. Et c'est lui qui a hérité de son oncle une grande bibliothèque, une bibliothèque d'un humaniste. C'était la première bibliothèque que je connais à Amsterdam. Et lui était le premier qui laissait imprimer à Amsterdam un petit bouquin pour le marchand en route. Il a commandé des livres, des tableaux, mais aussi les livres avec la musique en Belgique. Pour bien comprendre le développement de l'édition néerlandaise, vers quelle rubrique de librairie faut-il toujours regarder? Réponse de Sébastien Dudok van Heel. Il faut retourner à la religion parce que les calvinistes, les protestants ont eu besoin des livres, du Bible surtout dans l'hollandais, dans l'allemand, dans toutes les langues modernes de l'époque et pas en latin. Et les plus grands imprimeurs ici à Amsterdam étaient situés autour du port d'Amsterdam, qui s'appelle Sur l'eau et qui s'appelle maintenant le Damrak. Et là-bas, ils étaient situés et c'est connu que leur fond des Bibles en hollandais était énorme. Et ça, c'était la base des imprimeurs. Mais avec les immigrés sont venus des Allemands... Plus tard sont venus, par exemple, les Italiens, les Français, les Espagnols, mais même les Arméniens. Et dans nos archives, on trouve aussi dans les protocoles des notaires publics, même des documents en grec. Ils sont rares, mais ils existent. Tous les jours, on a eu des contacts avec les marchands de partout. Mais surtout, là-bas, c'était le commerce. Je crois qu'il est important de préciser une idée qui vous est chère, et qui nous paraît évidente, mais qu'il faut préciser quand même, c'est qu'Amsterdam, ce n'est pas tout à fait les Pays-Bas. C'est différent. Tout le monde a eu le droit d'avoir sa propre religion, mais c'était les religions étaient cultivées à l'intérieur des maisons privées, pas de procession dans les rues, mais même pas les calvinistes qui prêtaient dans les rues. On a le droit d'imprimer tout, mais il ne faut pas toucher à la société. Pour le gouvernement, c'était important du calme dans la rue pour le commerce, mais on a la liberté de penser, d'être calviniste ou juif ou catholique. Même on a eu une église pour les Arméniens dans la ville. Tout le monde était toléré, mais pas de discussions ou de révoltes dans la rue pour la religion. En 1575, on a eu 20 à 30 000 habitants à Amsterdam. Mais à la fin du siècle, on a eu 100 000 et quelques dizaines d'années plus tard, 200 000 habitants. Et n'oubliez pas ça, qu'est-ce que ça veut dire pour une ville d'avoir des immigrés de partout, hein, c'est vrai, les Flamands étaient importants, mais la plupart des immigrés étaient du Nord, de Norvège, de l'Allemagne. Mais sur le plan culturel, déjà, c'était le Flamand le plus important. À la base de toute la connaissance actuelle de la librairie néerlandaise, il y a 6 livres, 6 volumes, de l'archiviste Isabelle van Hagen qui a collationné partout les documents et dont la première découverte a été le recueil manuscrit d'un livre de correspondance d'un éditeur d'Amsterdam. Le volume était dans les archives de l'église wallonne à Amsterdam où ce Jean-Louis Delorme s'est marié. Jean-Louis Delorme a publié bien sûr des bibles, c'est tout à fait normal, des ouvrages aussi sur la réforme, mais également des œuvres de Binsrade. Il a publié la conférence du peintre Lebrun sur l'expression humaine, l'histoire de l'île de Ceylan par le portugais João Ribeiro, l'Horace de Dacier, et puis une illustration du régent pour Daphnis et Chloé de Longus, illustration dont on dit qu'elle a été inspirée par la jeune fille qui posait nue pour son père. Pigagnol de la Force, Dacier, des sonates de Corelli, Saint-Évremond, Dancourt, Rognard, Las Casas, et je ne cite que quelques titres un peu au hasard. Son recueil de correspondance devant nous, il est d'une écriture rapide, pas très facile à lire, ça manque de marge, mais enfin on a pu déchiffrer quelques textes. Il est évidemment entièrement en français et il éclaire la confrontation, le comportement pardon, de toute l'édition des Pays-Bas. Lettre de Delorme à Monsieur Gano. Le 12 mars 1707. Monsieur. Comptez que je me ferai un vrai plaisir de trouver vos livres, même si je ne devais rien y gagner. C'est-à-dire que je fournirai ceux de la Hollande, feuillet par feuillet, grand papier pour grand papier, papier pour papier et papier batave pour les Pays-Bas. Si je ne m'explique pas bien, prenez la peine de me le faire répéter afin qu'il n'y ait point de quiproquo. À l'égard des mémoires de Nemours, je vous prie de ne pas les mettre à mon nom. Vous pouvez vous servir de celui de Pierre Humbert. C'est un libraire d'ici qui est à présent à Paris. Si vous jugez à propos de m'envoyer 1000 exemplaires du Nemours, vous pouvez le faire. Je vous répète encore que je les communiquerai au libraire d'ici. Je ne veux point me brouiller avec ceux qui peuvent parler des livres. Au reste, je crois qu'il est à propos que vous mettiez une adresse sur chaque exemplaire que vous m'enverrez. Ainsi hâterez-vous une autre ville de France, mais se vendant à Amsterdam chez Delorme, car il faut vendre les éditions plus chères que celles d'ici, afin de trouver les frais de port. Il est aussi à propos que vous preniez le soin, s'il vous plaît, d'observer qu'il faut que je reçoive les exemplaires que vous m'enverrez, ou au moins qu'ils soient partis de Rouen pour ici, avant que vous en vendiez aucun, afin d'empêcher la contrefaçon qu'on pourrait en faire dans ce pays. Cela est très nécessaire. J'ai bien pris de la peine pendant que j'étais à Paris pour obtenir un passeport à Madame Boudot. À présent, elle prétend que c'était pour aller seule sans livres et a trouvé très mauvais que j'ai envoyé des livres à plusieurs libraires. J'avais encore un passeport à elle pour 4 milliers. Je le lui ai envoyé et vais rompre entièrement tout engagement. Je voudrais pour 100 pistoles avoir fini avec elle comme vous avez fait. J'ai été assez sot de lui envoyer depuis que je suis de retour pour plus de 1000 écus. Non que je craigne de les perdre, mais je ne puis tirer ni réponse à mes lettres ni aucun livre. En un mot, c'est une négligence au-delà de ce que je puis vous en dire. Il faut donc que Monsieur Étienne vous procure un passeport si vous voulez que je vous envoie des livres, ce qu'il pourra faire facilement s'il veut en prendre le soin. Je n'ai encore envoyé à vos auteurs aucune nouveauté par la poste par un malentendu de Monsieur Étienne et de moi. Je commence aujourd'hui à leur en envoyer et vous pouvez être assuré que je continuerai pour les ordinaires. Quand il paraîtra des livres propres à réimprimer chez vous, vous pouvez être persuadé que j'aurai soin de les faire parvenir à Monsieur Étienne pour remettre à Monsieur Boissière. J'enverrai au premier les catalogues de nos libraires d'ici pour vous les faire tenir. Vous pouvez m'envoyer 2 exemplaires des nouveautés que vous me dites avoir finies. Je verrai ce que c'est, ainsi que votre catalogue. Je fais travailler sur le catalogue que je vous ai promis, et je vous l'enverrai le plus tôt que je pourrai. Je serai plus pressé de celui des livres des libraires de Lyon que des livres rares, et vous me feriez plaisir de me l'envoyer le plus tôt que vous pourrez. Les imprimeurs de l'Horace m'ont trompé. Je comptais avoir fini ce livre en moins d'un an. Il y a plus de 8 mois qu'il est sous presse, et cependant, il n'y en a pas la moitié de fait. Je vous prie de voir si on ne pourrait pas en vendre à Lyon en argent, ainsi que l'Arduini Opera que j'imprime. Ce sera un volume de 220 ou 230 feuillets. Il y en a déjà 100 d'imprimés et il paraîtra dans moins de 6 mois. J'ai fait un synopsis opérum du révérend père Ardouin. Je n'envoie quelques exemplaires à monsieur Étienne et le prie de vous en faire tenir. Enfin, mon cher, faites pour moi ce que je ferai pour vous. Je suis ravi que, loin de Paris, vous me trouviez un successeur. Je souhaite qu'il vienne à bien et qu'il vous donne toutes sortes de contentement. Nous allons partir à la découverte de ces documents, mais avant de faire l'histoire petit à petit arrivée de la façon dont les auteurs français ont pu être imprimés en Hollande, en français, j'aimerais que vous nous disiez si les auteurs des autres pays, anglais, allemands, danois, d'autres pays encore, pourquoi pas polonais, ont contracté, comme les Français, l'habitude de se faire imprimer aux Pays-Bas. Est-ce que c'est un échange franco-néerlandais, ou bien est-ce que les Pays-Bas sont le pays qui imprime toutes les littératures de l'Europe, parce que ces littératures n'ont pas toujours chez elles la liberté de s'imprimer? C'est limité. On a imprimé au début plus de livres anglais, je pense, mais c'est surtout à la fin du XVIIe siècle que les Pays-Bas est venu un pays des imprimeurs pour les livres français, parce qu'après la fin de l'édit de Nantes, beaucoup de Français sont venus en Hollande avec leurs connaissances, comme les Flamands un siècle plus tôt. Je sais qu'on a imprimé dans le polonais en anglais, mais c'était pas si nombreux que les livres français qui étaient imprimés ici. Mais la littérature populaire n'est pas un problème d'imprimer en France, mais c'est surtout les livres philosophiques, Descartes, plus tard Voltaire, qui étaient pas faciles à imprimer en France, qui sont imprimés en Hollande, Voltaire surtout, et je pense Descartes aussi. De temps en temps, on n'a pas toujours montré l'adresse correcte pour échapper à la justice. De Paris. Le Parlement a fait lacérer et brûler par la main du bourreau un livre qui paraît depuis peu et qui fait grand bruit, intitulé « Émilie ou de l'éducation » par Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève. Cet auteur, homme d'un caractère assez singulier, s'est fait une grande réputation par ses ouvrages. Craignant d'être arrêté, il a pris la fuite en Hollande, où, selon les avis publiés, ce livre a été contrefait. J'aimerais que vous nous disiez comment on peut avoir accès à ces documents dans dans ces archives d'Amsterdam. Je crois qu'il n'y a pas de fonds consacrés particulièrement aux imprimeurs et aux éditeurs qui, depuis Descartes et jusqu'à l'abbé Prévost, et même plus tard, ont travaillé à l'impression de la littérature française. Tout ça est dispersé dans différentes catégories. Alors, je crois qu'il y a les actes de justice, il y a les actes notariés. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces traces qui permettent de faire l'histoire des rapports de la littérature française et de l'imprimerie néerlandaise? On n'a pas un fonds ici à Amsterdam. C'est un problème général. Dès qu'on commence à faire rechercher un certain personnage, une imprimerie, de retrouver l'imprimeur d'un livre inconnu, etc., il faut commencer de chercher partout. Quand on est marié, les dates de décès, de baptême, les adresses, le procès, etc. Et surtout, on peut trouver dans les les archives judiciaires. Parce que assez souvent, ils ont imprimé les livres qui étaient absolument défendus. Et les imprimeurs, on trouve assez souvent dans les enregistrements secrets. Mais en plus, on a de temps en temps des imprimeurs qui étaient faillites. N'oublie pas les journaux avec les annonces des livres. Amsterdam, on a des journaux d'Amsterdam, c'est-à-dire en hollandais, des Amsterdamse Courante, qui étaient publiés deux ou trois fois par semaine. Et la série est complète depuis 1672 jusqu'à 1888. Dès que la justice trouve un livre, on essaie de trouver l'imprimeur et l'écrivain. C'est une raison de donner une fausse adresse. Et ces livres, on peut de temps en temps trouver dans les archives judiciaires. Bien. Et quels étaient les motifs de poursuite? Les raisons sont bien sûr différentes. Sans licence, mais aussi des livres politiques qui étaient dangereux pour le gouvernement, même pour un gouvernement libéral. À Monsieur Boudot, le 10 novembre 1707. Monsieur, je ne vous ai pas écrit depuis le 27 du passé. J'ai reçu la lettre que vous m'avez l'honneur de m'écrire le 3 de ce mois. Mais vous ne me répondez qu'en partie au contenu de mes lettres. Vous m'auriez fait un vrai plaisir si vous avez pris la peine de m'envoyer une note de ce que vous avez donné pour moi à Madame Roland. Si vous ne l'avez pas fait, je vous en prie, faites-le en réponse. Je crois que nous n'avons que faire ni de la voix de Lille, ni de Monsieur Coignard. Avant que de fermer ma lettre, je vous en dirai des nouvelles. Pour vous dire la vérité, je crois qu'un dictionnaire de Bell est d'un trop grand prix pour en faire présent à la personne de la douane que vous me marquez. Je vous envoie dans la balle de Monsieur Abbé, dans un paquet cacheté, un exemplaire de l'Académie des Dames et deux exemplaires de « Les moyens de parvenir » en une douze. Le premier livre est pour Monsieur D. et je vous dirai ce qu'il faudra faire des autres. Je vous prie d'envoyer à Monsieur Jacqueline, maire et chevin à Sedan, ce qui suit, que vous marquerez, s'il vous plaît, AB. Faites-moi la grâce d'envoyer tout ce que vous pourrez de ce mémoire et au plus tôt. Vous me feriez un vrai plaisir de me fournir le tout, mais ne mettez rien pour moi dans cet envoi, parce qu'il ne vient pas ici, c'est pour Francfort. Dans le premier que vous avez fait, voici les défaits qui manquent, et que je vous prie d'envoyer d'abord à Monsieur Goupy, contrôleur des postes à Mons. Il ne faut point y mettre mon nom, celui-là suffit. Faites-moi l'amitié de faire collationner les livres que vous m'envoyez avant que de les faire partir. C'est une chose désagréable de payer cher le port des livres et de ne pouvoir n'en rien faire. Tout ce que je vous envoie est collationné fort exactement. Vous me ferez plaisir de m'envoyer par Madame Roland ou Monsieur Delaunay, si la balle n'est pas partie, six dictionnaires de Danet, latin-français, qui se vend à Paris, chez Monsieur Leroy, rue Charrière, à l'enseigne Saint-Sébastien. Enfin, il y a un vaisseau en charge. J'embarque demain 3 balles. Je vous envoie la facture de ce qu'elles contiennent et les générales. La semaine prochaine, je vous en enverrai une autre avec le prix et un mémoire pour distribuer à vos confrères des livres dont il y a grande quantité. Vous voyez, monsieur, que je suis exact et que je vous tiens ce que je vous ai promis. Deux figures d'éditeurs aux Pays-Bas, les Elsevier, qui ont laissé leur nom à un caractère typographique, l'Elsevier, et Marc Michel Ray. Elsevier, néerlandais, Marc Michel Ray, genevois d'origine. Les Elsevier sont d'origine des Louvains, et ils étaient installés à Leiden, et un des membres de la famille, Daniel Elsevier, s'est installé à Amsterdam, aussi à la Damrak. Et celle-là, sur le numéro 83, on a mis une plaquette rouge 1980, 300 ans après sa mort. Au même temps, on a placé une plaquette de Marc Michelery, pas loin de cette adresse, mais sur notre canal, 200 ans après sa mort. Les Elsevier sont, c'est la famille la plus connue, je pense, à l'étranger, comme les Waasbergen qui étaient à Rotterdam, à Leiden, et aussi à Amsterdam, aussi sur le Damrak. Les imprimeurs, dans le XVIIe siècle, même, mais pas assez nombreux, au XVIIIe siècle, étaient à côté l'un à l'autre. Les Elsevier sont connus jusqu'à aujourd'hui, connus pour leur bonne édition, pas seulement les Bibles, mais les Elsevier sont devenus les imprimeurs de l'université de Leiden. Et à Amsterdam, ils ont publié sur certains terrains. On a eu certains fonds. Les archives d'Amsterdam, 23 kilomètres de rayon, disposaient à l'intérieur de ce qui fut la mairie d'une petite ville de banlieue, aujourd'hui rejointe par le grand port. L'Amstel est là, il coule devant la porte d'un sage bâtiment de briques dont l'intérieur, climatisé, est résolument moderne. On se croirait dans n'importe quelles archives du monde, sauf qu'à des heures précises, les bureaux et les salles se vident pour le café, le déjeuner. Et le thé, les Hollandais ont l'appétit ponctuel. Voilà, nous sommes arrivés dans la une des salles des archives. Voilà, tout est bien rangé. Il s'agit de tout petits livres. Il y en a 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15... Il y en a 20 petits livres rangés sagement les uns à côté des autres, avec des noms. Montigny-Morène, Maurès-Mouzy, Mouzon-Mula. Ce sont les actes de mariage. En ce qui concerne Elsevier, il y a des choses qui n'ont pas été dites, singulièrement au XIXe siècle, et que vous avez retrouvées, qui ne sont peut-être pas forcément à la gloire du grand éditeur, du grand imprimeur qu'il a été, mais qui éclairent un peu sur sa vie, disons, sentimentale. Est-ce que tout ce roman absolument incroyable que vous allez nous raconter sur les amours de ce grave protestant Elsevier avec une courtisane est quelque chose qui est tiré des archives ou bien ça appartient à la légende? Ça appartient pas du tout à la légende. Il existe un fameux document dans le protocole de notaire public d'une courtisane qui était peint par un élève de Rembrandt qui s'appelle Hofert Flink. Et dans le document, c'est indiqué que cette femme, avec ses sœurs, était peint tout nu par Rembrandt, demeurant sur un coussin d'une manière provocante. Bon, cette femme est devenue une courtisane de Daniel Elsevier, mais aussi, quand elle est allée à Stockholm, où son frère était le médecin de la reine Christina, de devenir la femme, la courtisane, le fameux savant Heinsius, où elle a eu deux fils. C'est ça un peu l'histoire derrière le mariage. Dans les archives, il n'y a pas seulement le comportement privé de M. Elsevier, il y a aussi l'inventaire de ce qui a été découvert dans ses biens, dans sa propriété, après sa mort. Alors, M. Dudok Van Heel, on a là une information intéressante. Il s'agit, il faut décrire ce papier, d'un registre avec une écriture absolument extraordinaire, beaucoup de paraphes, trois colonnes en quelque sorte, une mention marginale sur la gauche, une grande colonne au centre, et puis sur la droite des chiffres. C'est un très joli travail d'une encre qui a juste un peu bruni et qui est bien claire. Et qu'est-ce que vous apercevez dans ce texte néerlandais que je suis bien incapable de lire? Que la maison Elsevier n'est pas seulement hollandaise, qu'elle est internationale. C'est déjà une multinationale peut-être. Est-ce qu'on peut dire ça? C'est très international à l'époque. La Sophia est devenue en Hollande la plus grande imprimerie à l'aide d'Amsterdam. On a eu des librairies à Rotterdam et La Haye en plus, et même à Utrecht. Et ici, dans l'inventaire, on trouve les clients où on a envoyé des bouquins brochés. Par exemple, on a envoyé des livres, bien entendu, à Francfort, Paris, 13 florins, à La Rochelle, 14 florins, et à Bordeaux, 15 florins. Et ça continue partout. Francfort, de nouveau, 17 florins, Utrecht, beaucoup d'adresses en Hollande, Nimwegen, Bruxelles, Londres. Pourquoi cet inventaire? Est-ce qu'il était normal que, à chaque décès, on fasse un inventaire des biens d'un imprimeur, d'un éditeur, par exemple? Mais qu'est-ce que celui-ci a de particulier? C'est pas nécessaire d'avoir un inventaire de quelqu'un après le décès, parce que ça coûte cher. Si on n'a pas de raison d'écrire un inventaire, parce que cet inventaire a une cinquantaine de pages doubles, ça prend du temps de faire un inventaire même de la maison. Hein, on trouve les vêtements, les pots de la cuisine, le comptoir, les clients, etc. On fait tout là-dedans. Mais avec Daniel Elsevier, sa preuve, il a été en difficulté. Sa veuve a essayé de continuer son librairie, mais après son décès, on a eu pas mal de problèmes parce que le commerce n'était pas si bien. J'ai compris que Daniel Elsevier était en difficulté. Il était un imprimeur excellent. Ses pages sont même de nos jours connues par leur très bonne qualité. Et à l'époque, on a échangé des feuilles. La qualité des feuilles de Daniel Elsevier était très très très bonne, de haute qualité. Mais les petits libraires, les petits imprimeurs, ont échangé les bonnes feuilles d'Elsevier contre leur mauvaise qualité. Et à la fin, le fond d'Elsevier n'était pas de haute qualité qu'à le début. D'où la chute de la maison Elsevier. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Daniel Elsevier à Joseph Williamson, Londres. Le cas est tel, sic, que l'an 1640, Jean Maire imprima à l'aide Hugo Grotius De Veritate Religionis Christianae en 12, laquelle copie lui fut donnée par l'auteur même. Il y a environ 20 ans que j'ai acheté du dit maire la susdite copie qui me fut contrefaite à Oxford par un libraire nommé Webb. Il y a environ 18 ans. Nonobstant cela, je n'y ai jamais laissé d'envoyer mon impression du dit livre en Angleterre, ni le dit Webb n'a jamais prétendu de m'empêcher de les envoyer ici. La veufue du dit Webb à présent décide de vendre au libraire de Londres le droit qu'elle pouvait avoir sur cette copie et quelques autres du même auteur. Mais comme les libraires voient bien qu'ils ne pouvaient empêcher que mon impression n'y fût vendue, ils ne lui en ont rien voulu donner. Elle s'est adressée depuis à ceux qui ont soin de l'imprimerie sheldonienne, qui l'ont acheté d'elle pour un vil prix, à savoir 5 livres sterling, selon que j'en ai été informé. L'an passé, dans le mois de mars, un des principaux libraires de Londres m'écrivit qu'on avait dessein d'imprimer à Oxford la dite copie et qu'il me conseillait d'envoyer bon nombre d'exemplaires à Londres. Pour prévenir cela, il m'offrit de m'y servir. Mais comme je n'en avais qu'environ 300 exemplaires, j'en fis imprimer de nouveau 2000 exemplaires, lesquels je vendis tous à Jean Dinsmore, marchand libraire en cette ville, et les lui ai envoyés il y a environ 6 mois. Les livres étant arrivés ici, et le libraire qui m'en avait écrit voyant que je les avais vendus au dit Dinsmore, et qu'outre cela, il était fâché de ce que j'avais envoyé quelques livres au libraire d'Oxford, qui m'en avait demandé quelques ballots, il écrivit, ou fit écrire, à quelqu'un de l'imprimerie Sheldon, qu'il était arrivé à Londres 2000 exemplaires de Grotius, et qu'il avait droit de les faire arrêter au Costume House, lesquels étant abusés par le dit libraire, y consentirent et par cette intrigue, les 10 livres sont encore au dit Costume House. On voit clairement que ce n'est que par pure jalousie que les 10 livres y sont arrêtés et qu'on désire d'établir ici un droit qu'on n'a jamais eu, qui combat directement le droit des gens et la coutume reçue par toute l'Europe parmi les libraires, parmi lesquels il est compté pour une espèce de larcin de se contrefaire les uns les autres, ce qui arrive pourtant plus qu'il ne devrait, mais jamais aucun n'a eu l'impudence d'empêcher à celui qui avait le premier acquis le droit d'une copie de vendre son impression, bien que ce fût dans un autre royaume ou république. Je sais bien que le commerce des livres n'est pas si considérable pour le royaume que le drap et autres étoffes, mais il est constant qu'il n'est pas moins important à la République des Lettres que le commerce des livres non défendu par les constitutions du royaume soit libre et qu'il soit plus florissant que les autres négoces. Marc Michelet était connu parce qu'il a publié l'œuvre de Voltaire. C'était un peu difficile et compliqué de l'imprimer en France, mais c'est imprimé à Amsterdam. Et il a imprimé Rousseau aussi. Exactement. Est-ce qu'on peut maintenant aborder deux points sur lesquels j'aimerais avoir votre avis? Oui. Et en particulier sur la façon dont les livres circulaient et aussi sur l'importance des tirages, de façon à ce que nous puissions nous rendre compte d'une part de la pénétration des ouvrages dans le public. Si le livre est très cher, il est évidemment réservé à une clientèle réduite. Si son coût baisse, sa clientèle peut être plus nombreuse. Alors qu'est-ce qu'on peut savoir des lecteurs européens, des imprimeurs néerlandais au XVIIe et au XVIIIe siècle? De l'inventaire de Daniel Elsevier, on peut comprendre que les livres n'étaient pas dans le commerce comme aujourd'hui, comme le livre complet. Hein. En général, ils étaient brochés ou on a échangé la feuille. Et après, ils étaient brochés ou mis en bande de parchemin ou en cuir. Ça dépend du goût de la bibliothèque privée. Mais c'était normal qu'un imprimeur libraire, parce que c'était toujours ensemble, ça, a eu en Hollande seulement son propre fonds, avec le livre qu'il a imprimé lui-même. Pour obtenir des autres livres, on a toujours échangé la feuille. Ça, c'était le problème. J'ai compris qu'en Allemagne, le système était plus moderne au XVIIIe siècle. C'est parce que, par exemple, à Leipzig et à Francfort, on a, ça s'appelle une messe, hein, où les librairies étaient côté à côté et on pouvait plus facilement changer leur édition. Et on a eu déjà en Allemagne une librairie comme on connaît aujourd'hui. Mais en Hollande, c'était organisé différent. Par exemple, on a eu des annonces dans les journaux et on pouvait écrire ou aller dans une certaine librairie pour obtenir un certain livre, par exemple, de Voltaire. Mais pour les clients, il était difficile à deviner où on pouvait obtenir un livre. Lettre de Delorme à Monsieur Lagisse, le 26 décembre 1707. Monsieur, j'ai chargé sur le vaisseau la demoiselle, dont le capitaine Hull Yorks, et qui part pour Rouen, 4 balles de livres pour le compte de Madame Boudot. Celle-ci doit vous envoyer les renseignements qui vous permettront de reconnaître le vaisseau du dit capitaine. Il se nommait le Saint-Pierre, mais comme il n'a pu avoir le passeport du roi sous ce nom-là, il a changé le Saint-Pierre en celui de demoiselle. Je vous envoie le passeport du roi, mais comme il est pour 4000 livres, 4 balles ne peuvent pas peser ce poids-là. Je vous prie de voir si les passeports ne peuvent pas être bons encore pour le restant. En ce cas, il faut avoir la bonté de faire porter dessus par les gens de la douane « bon encore pour ». La recherche dans les archives, c'est quelquefois comme un coup de sonde. Et nous avons la chance que vous ayez retrouvé pour nous l'inventaire après décès d'un personnage qui avait une bibliothèque privée. Ce personnage, qui était-il ? Est-ce qu'on sait quelque chose de lui? D'abord son nom, peut-être, tout simplement. Monsieur Beerwart était un régent du gouvernement d'Amsterdam. Il habitait dans un des grands canaux à Amsterdam, dans une grande maison on connaît quand on fait son tour en bateau à Amsterdam. Son fils était marié à une comédienne. C'était une chose extraordinaire. Parce que on a eu un grand intérêt dans le théâtre. Et son père lui a refusé de marier cette actrice. Mais après 6 filles, elle a eu un fils et le papa a autorisé le mariage. C'est l'inventaire de papa. On trouve les vêtements, les meubles, etc. Mais aussi la bibliothèque privée. Avec beaucoup de livres sur les comédies, les intérêts de nature, des livres de la ville, on peut visiter, je pense même Paris est marqué là-dedans, et les livres sont organisés dans l'inventaire selon la taille. Alors qu'est-ce qu'on peut distinguer? Gil Blas de Santillane, je crois. Oui, alors on trouve là, sur cette page, par exemple, les aventures de Gil Blas de Santillane. Je suppose que c'est 4 volumes. Le magasin des jeunes dames. Le magasin des enfants. Le magasin des adolescents. L'histoire de Tom Jones. Donc traduit de l'anglais. Oui, en 4 volumes. Et ce n'est pas précisé. Je suppose une lettre de Jean-Jacques Rousseau à D'Alembert. Alors, sur la page précédente, il est cité le dictionnaire historique et critique de Bell, en 6 volumes. Alors là, sur la même page où était cité Gil Blas, nous avons les amusements de Spa, par un monsieur J.B. de Limbourg. 2 volumes. En 2 volumes. Et un tableau de Paris. En 4 volumes. L'Iliade d'Homère, en 3 volumes. Les mémoires et les aventures d'un homme de qualité. Le dictionnaire d'anecdotes en 2 volumes. Il y a des livres du reste en anglais, Original Fables. On trouve toutes les langues là-dedans, et même alors, les livres en italien. Les Américains en 6 volumes. La Nouvelle Paysanne. Il y a un catéchisme pour les enfants de Namur. Et un cours de géographie par M. Fabre. La Nouvelle Méthode par un M. Marin. Pas de livre sacré, si les évangélistes quand même. Oui. Bien sûr, toujours. Quand même, ça c'était impossible. En grande quantité. Une bibliothèque parmi d'autres. Par exemple. Salomon, c'est Chanson de Salomon. Donc une bibliothèque parmi d'autres qui révèle un point important pour les Hollandais, c'est que, eh bien, on sait lire à peu près toutes les langues, c'est le français, c'est l'anglais, c'est l'italien. Bien, il faut nous parler maintenant de la quantité de ces ouvrages qui circulaient à travers l'Europe. Est-ce qu'on a une notion de cette importance? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu? Qu'est-ce qu'on sait, en fait, d'après la lecture des archives? On connaît les fonds des imprimeurs et librairies, mais on sait aussi qu'on a échangé la feuille et le livre broché. C'était toujours un petit paquet, sauf les livres populaires. Et quels livres étaient populaires à l'époque? C'était la Bible. On les voit en carcasson ou avec des emprunts, mais je pense que les livres de Voltaire n'étaient presque jamais envoyés en grand paquet, parce que c'était des livres populaires pour une certaine classe, certains cercles. Mais la plus grande partie des livres populaires, c'était vraiment la Bible. C'était l'origine des imprimeries à Amsterdam. On a déjà discuté ça. Tout à l'heure, on voyait l'inventaire des biens de Daniel Elsevier qu'il y avait pour 15 florins à Bordeaux ou pour 20 florins à La Rochelle. Qu'est-ce que représentait à l'époque 15 florins, 20 florins? Est-ce que c'est une grosse somme, une petite somme? Est-ce qu'on a une idée? Je sais que c'est très compliqué de faire une transposition, mais est-ce que vous pouvez nous faire une comparaison? Le coût de la vie chaque jour, le taux d'un ouvrier, le salaire d'un notaire, est-ce qu'on sait quelque chose pour comprendre un peu ce que représentait 15 florins ou 20 florins? Les livres à l'époque étaient chers, parce que le papier était cher à l'époque. Les livres maintenant sont vraiment bas prix. En comparaison avec ce prix. Le 15 florins semble pas une bonne somme, mais si on sait qu'on pouvait acheter une maison, pas une grande maison, pour 4 à 500 florins, ça, c'est une certaine indication. Salaire d'un ouvrier qui était 3 florins par semaine, ou 6 florins. Mais 15 florins, c'était une certaine somme. La France dans les archives de l'Europe aujourd'hui, les archives municipales d'Amsterdam, Pierre Descargues, Marie-André Armino, l'époque où la Hollande imprimait la littérature française avec Sébastien Dudok van Heel, conseiller scientifique aux archives municipales d'Amsterdam. Lecture Michel Vitold, prise de son, la radio néerlandaise, que nous remercions. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 13 août 1982. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.